Je trouverai tous les mots pour le dire. Je choisirai les plus beaux à écrire. Et j'essaierai de décrocher la lune, mi amor, comme avant. Et le temps qui passe efface de nos pensées du bonheur toutes les traces. Et le temps qui passe entraîne avec lui nos souvenirs, nos je t'aime. Et si on revenait à l'école du désir, comme avant. Si on revenait dans nos classes, prendre des cours du soir dans le noir, mi amor, yeux dans yeux, mi amor, juste nous deux, mi amor, chair dans chair. Décrocher la lune comme avant dans le temps et le temps qui passe.